Leçon 3. Le pronom COD, L' devant le verbe. Activité 3. A. Elle aime beaucoup. B. Elle l'a déjà donné, son cadeau. C. Ils l'achètent leur billet? D. Elle attend depuis une heure. E. Il l'aime beaucoup. F. Il l'entend mal avec ce bruit. G. Elle achète leur billet. H. Il l'appelle maintenant. I. Elle a déjà donné son cadeau. J. Elle l'attend avec impatience. K. Il appelle trop tard. L. Il adore son look.